Non. Attends, on va se calmer. Alors, dans ce cas-là, c'est simple. Vous voulez gâcher la soirée? Pas de problème. Dans ce cas-là, sur un chat, on verra ça après. Attends. Non. Bon, alors, tu fais une chose. Oh, bah, vas-y.